Il y avait ceux qui prenaient une bouteille le matin, midi et soir, ils allaient payer leurs 7 ou 8 chopines d'un seul coup, en sortant ce soir-là. Bah, oui. Ah ben, c'est les habitués. Hein. Mm-hmm. C'est tout un truc qu'on ne voit plus aujourd'hui, ça. Mm. Et puis, alors, les payes étaient distribuées dans les ateliers au dernier coup de sirène, parce qu'on débauchait par exemple à 6h30. Oui. Donc, il y avait un coup de sirène à 6h25 pour avoir le temps de débarquer du bateau, aller à l'atelier. Et là, au dernier coup de sirène, le chef d'atelier sortait, un tel, un tel, un tel. Et c'était toujours les plus anciens qui avaient le droit les premiers. Et ils étaient rendus au vestiaire que nous étions encore en train d'attendre à venir la paye, vous, non. Hein. Mais après de ça, c'était un rite comme ça, les anciens d'abord, les branleurs après. Mais oui. Et c'était tout un rite, le jour de. Deux fois par mois, parce que c'était le jour de la paye des yeux, et puis après la paye à la fin du mois. Autrement, ça fait trop aussi pour l'entreprise, trop d'argent, si on veut, à ramener la comptabilité. Il y a trop d'argent liquide à ramener, bah oui. Non. Pour ça, ils ont mensualisé. Là, simplement, j'ai vu qu'il y avait une pétition, vous demandez à signer, c'est quoi ce projet de toute prétention, ça y est, c'est fini. Ah, c'est parce que, ah ben, voilà, ah, le fameux restaurant. Ah, la ville de Nantes avec... L'ignoble Flahaut. L'ignoble Flahaut, c'est un... De faire monter une maison sur flottante, juste en face. Là. Un restaurant flottant, restaurant de 60 mètres de longueur, oui. 18 mètres de large, 3 étages. Un restaurant flottant avec salon de thé, grand vin grand. Alors donc on est contre ça, nous à plein. Et Jean-Marc a dit. On va plus de quête la fausse. Et c'est des trucs privés qui s'y viennent foutre. C'est la loi. Public, voilà. Bon. Parce que là, ils ont l'histoire des parkings. Il n'y aura pas de parking, mais pour eux, pour le restaurant, il leur faudra bien. Ah là là, ouais. Alors là, le problème, ça va être encore. Ah, là. Non, alors il paraît que c'est pas lâché, il y a vu le nom. Il y a du monde aujourd'hui. Qui s'est vu? Ah, c'est l'éléphant. L'éléphant. C'est des fois, il marche, il y a deux, trois personnes dedans, c'est tout. Hein. Là, il est plein. Il va rapporter de l'argent. Là. Enfin, ça, c'est nos sous, parce que nous, nos nefs, on devait faire un musée de. Oui, puis ça coûtait combien? Merci. Combien de millions ça? Ça continue parce qu'il doit pas. Il doit coûter plus cher que ce qu'il rapporte. Remarque, mais c'est remarquable. Ouais. Réalisation, c'est sûr. Au niveau hydraulique, enfin. Niveau hydraulique? Tout est hydraulique, c'est que. C'est l'électronique, l'électromécanique, hein, c'est la commande de tous les vérins, la commande de paro. Ben. C'est que des vérins. C'est scénario, enfin c'est dans le même site que Royal Deluxe, puisque bon, les trucs qu'ils avaient fait, le géant qui se balade dans le monde entier, c'était des mecs qui tiraient des ficelles pour faire marcher. Oui, c'est vrai. Il y avait je ne sais pas combien de gars dessus, hein, parce que là c'est entièrement. Il y a toute une centrale derrière, qui ferme les jus. En fait, on ne voit plus Arthur Martin, Arthur Martin, là, comment ça s'appelle ? Arthur Martin, on n'en voit plus. Oui, c'est un surnom, je ne savais pas Arthur Martin, mais c'est un gars de chez nous qui était lui aussi qui était au chômage, un dessinateur, puis qui est rentré, comment déjà, il s'appelle Martin, on l'appelle Arthur. Ouais. Parce que Arthur Martin, hein, il a étudié pas mal de choses sur là-dessus, la mécanique et tout. Mais... Ah, tout ça, ça passe dans la rue. Enfin, une partie c'est la région Vaurus et une partie aux ACB. Hein, parce que la rue était à toucher ça. Parce que, hein. Naturellement, quand vous voyez un parking comme ça, vous avez un ancien parking, puis moi c'était des halls fermés. Puis, ah, bah oui, oui, bah oui. On était très très serrés en fait. Hein, comme, c'est serré, bah, avec les trois cales. Vous avez vu sur le plan. Par rapport à la Loire à côté. Hein. C'est tout l'inverse. Moi, c'est ça, quand il y a eu, avant toutes les constructions, là, je sais pas, il y a 6-7 ans, je me rappelle, j'étais venue, j'étais surprise du côté désertique. Ah oui, ben bah, là, oui. Ça se sentait, d'autant plus, parce que vraiment, il n'y avait rien, ils avaient tout ah, passé. Ah oui, oui, oui. Et, oui, oui. C'était impressionnant. Il faut dire qu'à la Gueule de la Loire, vous n'allez pas dans le bureau de dessin. Eux, par exemple, ils avaient des câbles à passer dans une cabine. Ils avaient des bureaux qui étudiaient tant de câbles de 6 mètres de long, tant de câbles de 3 mètres. On leur apportait et ils montaient. Puis nous, à la Bretagne, c'était des tourelles de câbles qui étaient sur le pont. Et on voulait, bon, autant qu'on en prenait les mots 15 mètres, on les prenait et tout. Et le jour qu'ils ont été prêtés là, les tourelles de câbles, en deux jours, ont disparu, les Gueules de la Loire. Eux, ils n'étaient pas habitués à voir ça. Vite, ils s'enroulaient autour du ventre, ils avaient ça autour du ventre, puis ils s'en allaient avec les corps autour du ventre pour les sortir. Parce qu'à la Loire, ils ne pouvaient rien sortir du fait que c'était coupé à l'avance. C'était normalisé tant et tant. Et nous, c'est comme Saint-Nazaire, ils ont des cars à l'intérieur, à l'intérieur de l'entreprise, qui prend les gars au vestiaire, la porte des vestiaires, qui les emmène, sur les bateaux en construction. Parce qu'avant, les mecs, ils allaient à pied, ben, ils mettaient une demi-journée pour y aller. Ben oui, tellement c'est loin. Et les gars, quand ils sont là-bas, tu vois personne se balader en dehors. Chantier, quand ils se fichaient, tout le temps, les mecs à se balader. Ah, ouais. Et personne n'avait la sur le mec, il était à bord, il avait tout le matériel qu'il lui fallait, il n'avait pas le droit de sortir du bord. Du fait que les magasins étaient dans les rues à côté, je me rappelle les lampes en bronze qu'il y avait là, ça s'appelait le magasin. Bon, ben, on avait un bon, on va acheter 3 lampes chez Jésus. On sortait, on allait dans les rues, dans les magasins plus loin, on avait ça, on sortait, donc on passait un temps incroyable à c'est bien, il y a une histoire, est-ce qu'elle est vraie? Il y a un mec qui est sorti du chantier, je ne sais pas combien de fois, avec une charrette à bras. C'était jamais la même. Avec plein de bois dedans, et puis il remet la charrette vide. Ah oui, non, mais. Alors aussi, qu'il a avec ce bois-là. On parle de temps français, hein. Mais à ce moment-là, ça ne serait plus aujourd'hui. Les électriciens à la Bretagne ici, on avait le magasin pour les câbles qui était sur des gros tourées en bois. J'ai vu faire les grands tourées en bois d'EDF là. Il y avait le câble dessus. C'est un magasin qui était en face à la gare de l'État là-bas. Il y a encore le portail auprès du café des marchandises. On est parti à Croix un matin chercher le touré de câble. On est parti, arrivé là-bas, oh, c'était dans la poussière, fallait en déranger 7 ou 8. À 11h30, on a réussi à sortir le touré sur le boulevard là-bas au bout. Ah, ça y est, il va le tourer. On commence à venir sur le boulevard, là, à la hauteur des éléphants, là. Le machin en bois qui était vieux comme tout, crac, il se couche sur le. Oh merde, il est couché là. Dans le midi, était midi. On est parti manger, on a laissé le tourer simuler des boulevards. Et à ce moment-là, il y avait des vélos, il n'y avait pas de voiture, on n'a rien. Puis à 2h, à 3h, on est retourné. On a tout déroulé sur le boulevard, là, de 200-300 mètres de cobre, qu'on a reroulé comme on a pu sur un autre touré. On a passé une autre journée à 3, rien que pour aller chercher du câble de là-bas en gare à venir ici. Ça, c'est aujourd'hui, on dirait non, on va y aller avec une grue, on prend ça, et puis c'est ramené. Ben, à ce moment-là, c'était, ben, nos chefs nous a rien dit, c'était normal. Et on bossait quand même. Mais c'était un temps perdu incroyable. Oui, mais en même temps, des fois, c'est dans le temps perdu. Bah, c'était en 50-51, par là, à ce moment-là. On rencontre les gens autrement. Bah, c'était comme ça, le magasin était là-bas, bon, c'était tout. Parce qu'aujourd'hui, dans les nouvelles techniques de management, ils étaient tout rationalisé à mort, et ils ont éliminé tous les temps perdus. Et du coup, les gens, ils deviennent fous. C'est pour ça qu'après, leur câble était coupé, je ne sais pas où, ça s'amenait à bord, toc, t'as tant de câbles et tout, alors que nous, on se servait comme on voulait. Et oui. Bon. Je ne sais pas, on ne peut pas vous faire mal.